ciel noir. C'est fabuleux. Tout est si sombre. J'adore le noir. Le soleil noir. C'est si obscur. La vie en noir. Je traverse la ville pour rejoindre le club. Des lunettes noires, des blousons noirs. Y'a pas un deal, tout mystique. C'est fantastique. J'adore noir. Chevalier noir, écouteur noir. T'adore le noir. J'adore noir. Les martyrs en vie, on sent les choses.